Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre horoscope de la semaine du 7 avril 2025. Je vous propose de découvrir tout de suite ce que les astres nous réservent et démarrons tout de suite par nos amis les béliers à qui nous pouvons souhaiter un très joyeux anniversaire si vous le célébrez cette semaine et pour les autres encore un peu de patience. Bélier, il arrive que Neptune provoque un certain nombre de confusions dans votre esprit. Restez vigilant face aux illusions et aux conseils indésirables. Côté relation, en fin de semaine, on pourrait vous inciter à préciser davantage vos goûts et vos souhaits. N'hésitez pas à vous exprimer avec sincérité. Taureau, Mercure vous permet d'éclaircir une situation douteuse. Prenez le temps d'écouter les différents points de vue et d'analyser les informations avec objectivité. On fonce pas tête baissée, Taureau. Côté relation, Vénus, votre planète travaille pour vous, amicalement et sentimentalement. Améliorer ce qui a besoin d'être peaufiné, c'est le moment pour le faire. Gémeaux, dès lundi, Mercure peut améliorer vos finances. Profitez-en pour établir un budget précis. Prenez le temps d'analyser vos dépenses et de repenser vos investissements s'il y a lieu. Côté relation, dimanche, la pleine lune et Vénus directe vous éclairent dans votre parcours sentimental. Exprimez vos désirs. Cancer, toute la semaine, Mercure et Mars instaurent un climat propice à votre bonne forme physique et mentale. Mettez-vous aux commandes, c'est vous le boss cette semaine. Côté relation, misez sur ce week-end pour voir vos proches, famille, amis, couple. Vous évoluerez dans un climat affectueux grâce à des relations saines. Lion, le Soleil et Jupiter vous secondent. Votre enthousiasme et votre volonté vous propulsent vers vos objectifs. Ouais, c'est chouette ça. Prenez le temps de célébrer vos victoires. Eh ben oui, les petites et les grandes, tout est bon à prendre. Côté relation, Mercure est direct, pardon, dès lundi et Vénus dès ce week-end. Eh bien, ça donne quoi? Expliquez-vous pour établir la confiance, là, peut-être, elle s'étiolée. Vierge, à partir de lundi, Mercure facilite la conclusion d'accords contractuels ou financiers. Utilisez des arguments convaincants pour atteindre vos objectifs, on vous entendra. Côté relation, cette semaine est propice aux clarifications. N'hésitez pas à aborder des sujets délicats afin de les résoudre définitivement. Voilà, on va dire que c'est une semaine de mise au point pour les Vierges. Balance, au travail, vous pouvez compter sur une bonne équipe pour progresser dans le commerce. La clientèle ne manque pas. Battez le fer tant qu'il est chaud. Côté relation, ce week-end, la pleine lune et Vénus vous incitent à effectuer un tri relationnel pour privilégier un cercle plus sincère. Scorpion, la météo astrale de la semaine, eh bien, vous souffle dans le dos. C'est le moment de rattraper les retards accumulés. Côté relation, Mercure et Vénus favorisent les réconciliations et les moments tendres même. L'amour s'affiche comme le souverain de vos émotions. N'hésitez pas à exprimer vos sentiments. Sagittaire, Jupiter vous annonce des appuis. Oui, profitez-en pour élargir votre réseau, restez ouvert aux opportunités, elles peuvent vous mener vers de nouveaux horizons. Côté relations, ce week-end, en famille, eh bien, s'annonce doux et réconfortant, un petit peu comme dans un cocon. Alors, c'est propice à des conversations affectueuses. Profitez du moment présent. Capricorne, Mercure et Mars vous encouragent à combiner vos points forts. C'est le moment de monter un projet commun. Votre équipe sera gagnante. Côté relations, organisez des rencontres et ouvrez-vous à de nouvelles conversations. L'énergie de Mercure et Vénus direct vous aidera à établir des connexions. Voilà, là c'est de la gagne cette semaine Capricorne. Allez-y, foncez. Verseau, Mars vous freine encore un petit peu. Petit à petit, vous retrouvez un bon rythme, mais ce n'est pas sans effort. Allez, courage, vous tenez le bon bout. Côté relation, dimanche, la pleine lune vous incite à prendre une décision affective, à vous engager ou pas avec une personne ou un projet familial. Eh bien, vous savez quoi? Affirmez-vous. Voilà, ça c'était Gabi. Poisson, Mars, Mercure et Saturne vous soutiennent. Eh bien, vous cherchiez du boulot ou un job qui vous colle mieux à la peau. C'est le moment de le faire, mais bougez et cherchez, vous allez trouver. Côté relation, Mercure et Vénus en poisson, redeviennent directs et vous savez ce que ça donne? Eh bien, ça apaise les relations. Misez sur la famille, les amis, si vous avez besoin de vous confier. Voilà, mes chers amis, pour l'horoscope de la semaine. J'espère que la semaine sera douce. J'espère qu'elle vous apportera de bonnes nouvelles, de l'apaisement, de la sérénité. On pense bien fort à vous. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, savoir comment les astres influencent votre quotidien. Pour ceux qui traversent des moments difficiles, tout pareil, on pense très fort à vous et puis gardez le cap, les beaux jours restent toujours à venir. On garde surtout le courage et la foi des meilleurs jours. On vous embrasse bien fort et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles prévisions. Ciao !